verra. Toi on te fait rien parce qu'on sait que tu bois plein. On n'hésitera jamais y aller zéro sur le chef. Ça fait 6 mois que je suis là, écoute bien toi c'est moi le chef. Quand en ce moment c'est bizarre, je ne dors pas. Je pense aux petits frères qui font pas en plein. Tu parles beaucoup mais tu ne mens pas. Et quand ça va pas tu portes plainte. De ma tête, de ma mère. La voix ne sent pas pour la guerre, je suis pas là. Si ça parle de l'homme de bison, je suis gagné. Avec mes problèmes, j'aime mon ami, je suis un homme. Ils font tous les voyous mais mon âge c'est pas des hommes. DJ, CR, civil, top top, IC, gendarme, civil, promenade, cellule, victime, c'est eux, balance, c'est lui, pends-toi, c'est mieux. Crise, t'es pas me faire la bise. Là je reviens d'Espagne, frérot, madame me fait la crise. Fils, gros les bottes traversent le pare-brise. Une main pas sur ton corps, alors tu peux prier le Christ. Ton amour, pas la peine, je fais la guerre, pas la paix. Dans mon check, baladé, tu vas te faire balader. Grâce à Dieu, je suis entier, toujours là, je suis un V. Start for moi, je suis hanté, MAP, je suis un D. En ce moment c'est bizarre, je ne dors pas. Je pense aux petits frères qui font en plein. Je vais tous me les faire. Tu parles beaucoup mais tu ne mords pas. Et quand ça rafale tu portes plainte. De ma tête, de ma mère. La voix ne sonne pas pour la guerre, je suis ton âme. Si ça parle de l'homme de bison, je suis ton âme. Avec mes problèmes, j'aime mon ami, je suis un homme. Ils font